Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. ففي هذه الليلة المباركة ومن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت شيخنا سماحة الوالد علامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري سيلحقنا حفظه الله تعالى بسلسلة أبنائه السلفيين بمدينة تركوان بمسجد بن عبد البر إن شاء الله بكلمة حول الفتن. فنسأل الله سبحانه وتعالى على هذا في ميزان حسناته وليتقبل شيخنا مشكورا مغفورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ سليمان هو موجود عندهم. من يقوم يقوم مقام الجامع جامع الإمام بن عبد البر كذا. بارك الله فيك. الصوت واضح. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أبناءنا في مركز المسجد في جامع الإمام أبي عمر بن عبد البر المالكي الأندلسي رحمه الله. وموضوع الكلمة هو شرح حديث حذيفة رضي الله عنه. فأقرأ أولا عليكم الحديث ثم يترجمه الأخ حسين قوما مع أحد الإخوة المعروفين. إذن سجلت من عندنا أخونا الشيخ المغربي القنيطري شيخ حسن أبو أسمى. والحديث يا أبنائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصيد عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها يعني أحبها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تعود يعني القلوب على مثل الصفا وهو حجر أملس أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى مثل الكوز مجخيا، الكوز يعني الكوب، مجخيا يعني منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. والآن إلى أبي أسمع يترجم هذا الحديث ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الشرق، وسأحاول إن شاء الله أن أختصر ولا أطيل عليكم. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala et les salutations sur le prophète alayhi salatu salam et la bienvenue que la souveraineté Allah ta'ala à ses enfants dans la mosquée de Nablabar, l'imam Nablabar et dans la ville de Tourcoing. Il a cité le hadith de Hudayfa qui est rapporté par l'imam Muslim rahmatullah alayhi. Au Rasoul Allah a dit que les fitnes sont exposées et qu'on le cœur comme on colle des branches pour former une nappe, branche après branche. Et tout cœur qui la rejette, dans ce cœur, ce cœur sera taché d'une tache blanche. Et tout cœur qui ne la rejette pas, il y sera taché d'une tache noire, jusqu'à ce que le cœur devienne deux cœurs. Un cœur blanc, clair, comme la pierre lisse. Aucune fitna ne va lui faire du mal, tant que les cieux et la terre existent. Et un autre cœur qui va être complètement noir et qui va être complètement à l'envers, comme la lumière qui est renversée. Il ne connaît pas le bien, il ne rejette pas le mal, il connaît tout simplement les passions avec lesquelles il a été imbibé. A'oudou ilaykoum ya abna'i, fi jami'i l'imam Abi Omar ابن عبد البر الأندلسي المالكي رحمه الله إلى شرح الحديث، وكلامي هذا موجه إليكم ولكل سلفي وسلفية خارج مدينتكم بل وخارج فرنسا حيثما كان السلفيون والسلفيات. الحديث موجه إليكم وإليهم جميعا إن شاء الله تعالى. أقول أولا قبل شرح هذا الحديث مختصرا، قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الآية. فما يجريه الله سبحانه وتعالى على المصائب في النفس أو في المال أو في الأهل أو الذرية، وقبل ذلك في الدين لحكمة، وهي تمييز الخبيث من الطيب. فهذه الفتن ممحصات، فلو كان الناس على سلام دائم لم يتميز المسلم من الكافر، ولا المؤمن من المنافق، ولا الصادق من الكاذب. فهذه حكمة الله، فافهموها يا معشر السلفيين رجالكم ونسائكم. وإليكم الآن الترجمة. تفضل يا شيخ. الشيخ حفظه الله تعالى. أدي maintenant pour je vais vous interpréter, je vais vous donner l'explication du hadith. Vous qui dans la mosquée d'Abi Omar ibn Abdelbar, l'Andalusi de Maliki. Et ici, cette interprétation de ce hadith, il est pour tous les salafis, que ce soit ceux qui sont avec vous ou que ceux qui sont en dehors de la France. Il dit, le hadith, il vous concerne tous, là où vous soyez. Ici, premièrement, je dis, il a cité le verset dans sa traduction approximative, dit ceci, Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas laisser les croyants sur la situation dans laquelle ils sont sans faire la séparation du bien et du mal, de l'impur et des bons. Et il dit, alhamdoulilah ta'ala, les catastrophes et les épreuves que Allah subhanahu wa ta'ala fait subir à la personne, que ce soit dans son corps, que ce soit concernant sa fortune, ou que ce soit concernant ses enfants, que ce soit dans, en priorité dans sa religion, ceci c'est pour une hikmah, c'est pour une sagesse, pour un but bien précis. D'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour séparer l'impur du bon, et pour séparer le bien du mal. Il dit toutes ces fitnes, ce sont des situations purificatrices. Il dit si les gens restent tout le temps sur la même situation, on ne pourrait pas faire la part des choses entre le croyant et le mécréant, entre le bénédicte et le menteur et l'hypocrite, et ainsi de suite. أقول بارك الله فيكم معاشر السلفيين من الرجال والنساء هذه الفتن أعظمها في هذا العصر الخوارج والخوارج قسمان قسم محاربة تقاتل بالسلاح ومنهم اليوم داعش ويخطرها وجماعة النصرة وتنظيم القاعدة هذه تابعة لأسامة بن لادن الذي أهلكه الله سلط الله عليه أفجر منه فقضى عليه والقسم الثاني من الخوارج القعدية وهم الذين يدعون إلى الجهاد دعوة عامة ولا يفرقون بين الحال والجمع والسؤال ها هنا ما علامة الخوارج القعدية لهم علامات كثيرة منها الدعوة إلى الجهاد دعوة عامة دون النظر إلى حال المسلمين فلا ينظرون إلى قوة ولا ضعف ولا وجود حاكم مسلم ولا غيره ومنهم من هم دعاة إلى داعش أو إلى النصرة أو إلى تنظيم القاعدة وكيف نحذر هذه الأقسام من الخوارج المحاربة والقعدية نقول أولا عليكم الاتفاق حول أهل العلم الذين عرفوا بالفسوق في العلم والفقه في دين الله من الكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ثانيا أنتم أيها المسلمون في أوروبا وأمريكا والهند وتايلاند وكمبوديا وغيرها من الدول الكافرة، بينكم وبينهم عهد، بينكم وبين هؤلاء هذه الدول الكافرة عهد، تصدقوا معه الحديث وأوفوا بالعهد الذي بينكم وبينهم وأنجزوا الوعد وأحسنوا جوارهم واحفظوا الأمانة في النفس والمال والأهل والولد، صونوا أعراضهم وأحسنوا جوارهم وأظهروا لهم محاسن الإسلام من إكرام الجار واللين في الدعوة، خاطبوهم بالخطاب الجميل الذي يفهمونه ويعرفون أنكم ناصحون، وصونوا أعراضهم. هذا ثانيا، وثالثا اصبروا على الأذى، إذا أتاكم أذى من كفار غير عقلاء فارفعوا الأمر إلى الأمن، وإذا أردتم أن تدعوا رجلا مسلما صاحب فقه وعقل وتدين فنسقوا مع الجهات الأمنية. هذا هو، بارك الله فيكم، هو السبيل الذي يجعل جيرانكم من الكفار يثقون منكم ويطمئنون إليكم ويحترموكم، ومن فيه خير فسيقبل الإسلام عن طريقكم أنتم من أهل السنة في جميع الدول الكافرة، وكذلك من يزوركم من مشايخ أهل السنة والفقه في دين الله. هذا هو، بارك الله فيكم، مختصر الحديث، ولا أحب أن أزيد على هذا. وأقول لكم مرة أخرى أهلا وسهلا ومرحبا وحياكم الله من أبنائنا السلفيين والسلفيات الذين يستمعون إلى حديثي معكم في مسجد الإمام الحافظ أبي عمر الأندلسي المالكي. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويترجم الشيخ حسن أبو أسماء. الشيخ لكم سنهديه جهودي أصمبلي دو سلفي هومي فام سيفيتان لا سيفيتان سيدي لكم نقيل في الغنب فيتان في نوتر إبوك. C'est la fitna des Khawarij. Les Khawarij, ce sont deux catégories. La première catégorie, une catégorie qui combat, hein, qui fait la guerre, et avec les armes. Et aujourd'hui, ils sont personnalisés dans Daesh, et c'est la plus dangereuse, et dans Jama'at al-Nusra, et aussi dans Tanzim al-Qaïda, qui était sous la direction de Oussama bin Laden. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que plus pire que lui s'est occupé de lui et il est mort. Et la deuxième catégorie de Khawarij, ce sont les Qa'adiyya. Ils appellent vers le jihad en général, ils font une dawa générale vers le jihad et ils ne font pas la différence entre la situation des musulmans. Et ils ne font pas la différence entre les situations, entre eux, les époques. Et la question qui se pose ici, c'est quoi les caractéristiques des Khawarij de Qa'adiyya? Et leurs caractéristiques sont nombreuses. La première, c'est qu'ils appellent vers le jihad d'une façon générale, sans regarder la situation du musulman, s'ils sont en position de force ou en position de faiblesse, sans qu'ils fassent attention ni qu'ils donnent de considération aux gouverneurs musulmans ou autres. Et fait partie d'eux, ceux des prêcheurs qui appellent vers Daesh, vers Nusra, ou Al-Qaïda. Et comment faire attention à ces Khawarij, que ce soit Muhariba, ceux qui combattent, ou que ce soit Al-Qaïda. Et premièrement, il faut que vous tourniez vers les hommes de science, dignes de la voix, ceux qui se comportent au livre et à la sunna, selon la voix des plus prédécesseurs de l'Allah. Deuxièmement, il dit vous, musulmans en Europe, ou en Amérique, en Inde, en Thaïlande, en Cambodge et autres, parmi les pays de mécréance, dans ces pays, vous avez un pacte avec ces pays. Et donc, vous devez être véridique avec les gens de ce pays, véridique avec eux quand vous vous adressez à eux, quand vous discutez avec eux. Vous devez vous acquitter et être digne du pacte qui vous lie à ces pays. Et vous devez être bon en tant que voisin. Vous devez être des bons voisins pour eux. Et vous devez préserver le dépôt. Et vous devez les préserver dans leur personne, dans leur famille, et préserver leurs honneurs. Et vous devez leur montrer les bienfaits de l'islam, et les bontés de l'islam, et les vertus de l'islam, comme le fait d'honorer le voisin, le fait d'honorer l'invité, le fait d'être doux et bon dans la da'wa et de s'adresser à eux avec un discours qu'ils comprennent et qu'ils connaissent. De là, ils vont savoir que vous êtes des conseillers pour eux. Troisièmement, vous devez patienter du mal qui va en découler. Car s'il y a des parmi les doués de raison part, et s'il y a des mécréants qui veulent vous subir du mal, parmi les insensés de ces pays, votre situation vous l'amenez vers la sécurité. Vous orientez vers les services adéquats qui doivent s'occuper de ça. Et vous appelez un homme, c'est-à-dire un homme musulman, un musulman qui a de la jurisprudence, qui a de la science, etc. Et quand vous avez des rapports avec lui, que vous avez commencé l'entretien avec, vous devez aussi avertir les autorités, la sécurité de l'État. En agissant ainsi, en prenant cette voie, vos voisins vont avoir confiance en vous, vont savoir que vous êtes véridique, et ils vont vous respecter. Et ceci sera un grand bien pour vous et pour eux aussi. Peut-être certains parmi eux, à qui Allah la veut du bien, vont s'orienter vers l'islam, de par votre intermédiaire. Et aussi de par l'intermédiaire de ceux qui vous visitent parmi les hommes de science, et parmi les hommes de science, dignes du livre et de la sunna. Et ça, c'est le résumé de ce que je voulais dire concernant ce hadith, et je ne veux pas m'étaler. Et il dit, je vous dis encore une fois, bienvenue à vous, et que Allah, parmi nos enfants, et nos filles, salafis, dans la mosquée de l'imam ibn Abdelbar, Abi Omar ibn Abdelbar, l'Andalusi al-Maliki. Et il dit, je vous laisse entre l'imam d'Allah Azza wa Jal, et que Allah récompense cher pour cette interprétation de ce hadith. Il y a Hussein. Le لكم اليوم. على الأقل كانت المسجد 150 بين 150 و 200 في المسجد. هؤلاء الرجال لكن اللي كان يذكر سانس توريزم من الإيطان وشريطة. لا خلاص خلاص ما في ما في اللي يجبوا في الدعاء الله سبحانه وتعالى مبينيش. Et aussi, il a dit qu'il n'y a pas de problème qu'il repasse d'autres interventions aussi. Hein, il y a qu'à voir avec l'Arche les mêmes qu'il reprenne contact avec Inch'Allah. Wa fiikum barak, sawiyakum ma alladhi la tabi al-wadayr. Wa liyassama et wa rahmatullah.